Alors, Bertrand Tatinda, certes, d'aucuns s'accordent peut-être à minimiser Habib Ali Ireka, tellement il n'y a pas de fait d'armes qui parlent en sa faveur, mais toujours est-il qu'il représente une menace réelle. Quoi qu'il en soit, la menace, elle perdure aussi autant que la dynamique eh bien, de révolution à tout point de vue est mise en place par le président Faustin Archange Touadéra. Et là, le président Madakani saluait tout à l'heure la clairvoyance du professeur président qui a tout fait de régler, même s'il n'y avait pas encore une vérité, même s'il n'y avait pas une brouille, mais de régler ce qui pouvait s'apparenter comme étant une brouille avec son voisin tchadien pour éviter notamment que ce pays ne puisse prêter le flanc d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on sait d'ailleurs les manœuvres qui peuvent être faites, les manœuvres militaires, j'entends par la France, qui a d'ailleurs plusieurs bases militaires de ce côté-là, sans toutefois que l'État central n'en soit effectivement informé. Mais moi je veux avoir peut-être une dernière prise de parole polémique. Il faut mettre la polémique pour qu'on puisse réfléchir sur le véritable problème. Première question. Vous êtes sûr qu'au sein de la CEAC, tout le monde soutient le gouvernement de M. Touadéra? On avait enlevé des boucliers qu'il y a eu avec le... Mais laissez-moi poser des questions. Allez-y, Bertrand. Moi, j'ai l'impression que certains pays souhaiteraient qu'ils partent. Certains pays au sein de la CEAC ne le soutiennent pas. Ne le soutiennent même pas militairement. Que vont-ils donc faire? Ils vont soutenir des tentatives de rébellion. Première chose. Deuxième des choses, la défiance avec le Tchad, c'est que dans le passé, le Tchad n'a pas joué un très bon rôle à Centrafrique tout le temps. Je dis plus que ça continue. Mais je dis, dans le passé, le Tchad n'a pas joué un très bon rôle dans le passé. Pourquoi? Parce que quand il y a eu l'affrontement entre Ange-Félix Patassé et son chef d'état-major qui était M. Bozizé pour la conquête du Tchad, des deux côtés ont retrouvé des Tchadiens, des mercenaires Tchadiens. Pour qui roulaient-ils? Ne me demandez pas. Il y avait des mercenaires tchadiens qui roulaient pour M. Ange-Félix Patassé. Il y avait des mercenaires tchadiens qui roulaient pour M. Bozizé. C'est pas acceptable dans une sous-région. C'est pas acceptable. On ne peut pas construire une alliance, on ne peut pas construire une CEMAC, on ne peut pas construire une communauté. Et comme par hasard, il y a des mercenaires de certains pays qui se retrouvent dans une bataille de prise de pouvoir. Ça fait beaucoup de mal à la République centrafricaine. Ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. Quand il y a eu le départ de M. Bozizé, la CEMAC à Libreville a voté un plan de paix. La CEMAC n'a jamais soutenu son plan de paix. Le président Banda a parlé de celui qui est arrivé, M. Diotodia. La CEMAC s'est opposée à l'arrivée de Diotodia au pouvoir. Et dit, c'est pas possible. Et la CEMAC a obtenu quoi de M. Bozizé? Vous ne vous présentez plus à l'élection présidentielle. Vous ne vous présentez pas à l'élection présidentielle. Vous finissez vos 4, 5, 6 mois. Hors de question que les troupes de M. Diotodia arrivent à Bangui. Et bien, on stabilise le pays. Vous partez. On met une mission de sécuritaire. Donc, il y aura même la MONUC. Il y aura même la MONUC qui va contenir des troupes congolaises, des troupes gabonaises et des troupes de RDC. Des troupes de RDC. Pourquoi la CEMAC n'a pas soutenu son plan de paix? On va faire voter le plan de paix à Libreville. Monsieur Bozizé va se déplacer à Libreville. Il va accepter le plan de paix. D'ailleurs, il n'avait pas le choix. Il va accepter le plan de paix. Il dit, c'était officiel, le communiqué officiel. Il va retourner. Eh bien, la CEMAC va regarder Monsieur Diotodia arriver au pouvoir. Si la CEMAC continue à être aussi faible, ça ne nous intéresse pas. La CEDAMAC doit se donner les moyens de faire... La crise qu'il y a en RCA, ça nous concerne d'abord, nous, la CEMAC. La CEAC s'éloigne. D'ailleurs, moi, il faut réfléchir sur quel type de communauté on veut mettre la CEAC. Parce que quand moi, je vois certains pays de la CEAC, moi, je vois la RDC. C'est bien, c'est un pays frère. Mais il faut se dire ce qu'on construit avec la RDC. Il faut questionner le leadership aujourd'hui qui est en RDC. Qu'est-ce qu'on construit? S'il faille construire une CEAC où vraiment on va recevoir notamment un monsieur Sarkozy qui va venir avec notamment que la demande de l'industrie minière et en même temps, c'est-à-dire que instrumentaliser l'Est de la RDC. Nous, on ne veut pas construire ça. On ne veut pas construire ça. Mais s'il faille aussi construire une CEMAC faible, faible, c'est un problème. C'est un problème. Et je crois que le président Touadéra, c'est une préoccupation pour lui. De se dire que mon pays est un pays convoité. Le président Banda le dit. Et moi, j'ai toujours crié. C'est qu'il n'y a pas de pouvoir au Soudan. Il n'y a personne à le pouvoir. Même les deux qui se battent là. Mais ils ne sont pas les deux plus forts. Hein. Il y a d'autres qui sont en embuscade. Il y a d'autres qui sont en embuscade. Il y a même certains au Soudan du Sud qui demandent, qui disent que c'est le moment aujourd'hui d'attaquer le Soudan. Soyez pas surpris demain que les troupes partent du Soudan du Sud rentrent dans ce conflit. Parce qu'il y a des alliances. Donc, il y a pas, quand vous avez un pays comme ça, où il n'y a pas de pouvoir, vous avez pratiquement 700 km de frontière, et que vous appartenez à une communauté où vous ne pouvez pas être sûr que s'il y a un moindre bruit, cette communauté-là met les moyens militaires. Oui, il y a l'allié stratégique russe. Moi, j'ai toujours dit que la Russie ne vient pas apprendre aux gens à être patriotes. Vous signez des alliances stratégiques avec la Russie, vous n'êtes pas patriote, vous n'êtes pas sérieux. Ça donne rien. Ça donne rien. Faut être sérieux, faut être organisé, faut savoir ce que vous voulez. Poutine ne va pas venir m'apprendre à M. Mouata Tinda à aimer le Cameroun, à être prêt à donner ma vie pour le Cameroun. Lui, Poutine, il est prêt à donner la vie pour sa Russie. Toi, Tatinda, sois prêt à donner ta vie pour ton Cameroun, pour l'Afrique. À partir de là, quand vous mettez sur une alliance militaire ou bien une alliance stratégique, vous vous dites que, eh bien, toi, Poutine, on va garantir tes intérêts. Toi, M. Tatinda, on va garantir les intérêts de ta sous-région. Eh bien, on attend alors les mondialistes ici. Attendons les mondialistes ici. Mais nous voyons que même sur le plan diplomatique, oui, ça discute. Et quand je parle d'une CEMAC faible, c'est toujours une CEMAC qui n'arrive pas à se déterminer de façon claire sur cette histoire de France CFA. C'est même une forme de faiblesse. On va réfléchir toute une vie. On réfléchit. En 2023, on en est à réfléchir si le France CFA est bien. On peut comprendre les contingences. Le contexte est compliqué. Il y a les guerres. Mais vous croyez honnêtement, vous croyez qu'un jour il y aura un contexte d'accalmie, c'est-à-dire que tout sera calme, tout sera posé, et puis on va se dire que oui, c'est maintenant le moment. Le monde est parti là pour pratiquement 40 ans de haute et de forte tension. Vous savez ce que la Commission européenne a voté dernièrement? Elle vote des aides pour des pays qui sont prêts à relancer l'industrie de l'armement pour produire des missiles. C'est-à-dire que l'Union européenne s'organise aujourd'hui pour donner des subventions à ces pays qui sont prêts à produire des missiles. Washington veut revoir sa capacité de produire des missiles. Poutine, lui, il est parti pratiquement pour dire que là où j'engage mon pays, la Russie, là, c'est pratiquement parti sur 100 ans d'affrontement politique et géopolitique. Et encore, quand il regarde la Chine s'armer, il se dit, demain, je peux être en désaccord avec Xi Jinping. Demain, je peux être en désaccord avec Xi Jinping. Donc, il n'y aura plus, de mon point de vue, là. C'est-à-dire que dans les 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est-à-dire un contexte géopolitique calme, où il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de tension. Donc, c'est l'occasion là de montrer qu'on a été dans une sémaphore. Et c'est pour ça que c'était panafricaniste, ça avait été déçu du sommet de Yaoundé. C'est ça, moi, qui me fait. J'ai dit, je prends ma dernière prise de parole pour entrer dans la polémique. Si le président Touadéra n'est pas soutenu, qu'est-ce que vous voulez? Même avec la Russie, il ne réussira pas. Il doit se sentir aimé, adoré, soutenu. Pas sa CEMAC. Sa CEMAC, moi, je ne suis pas sûr. Moi, Tatinda, je ne suis pas sûr. Moi, Tatinda, je ne suis pas sûr. À partir de là, le pauvre se bat comme il peut. Le pauvre se bat comme il peut. Il y a un style, ça il faut le dire. Il y a un type de mercenaires souvent qui appartiennent au Tchad. On a l'impression que Djamena arrive à domestiquer cela. Pourquoi? Et ces mercenaires-là, généralement, exercent au Soudan et en RCA. Quels sont ces mercenaires que Djamena arrive à domestiquer? Pourquoi? Et si Djamena n'arrive pas à domestiquer ces mercenaires, pourquoi Djamena ne pose pas ce problème sur la table? Conférence des chefs d'État de la CEMAC, il y a des mercenaires originaires de la CEMAC. Il faut régler ce problème de mercenariat. Ils sont là, ils profilent, on les voit des fois au Darfour, on les voit. Ça cause même de véritables problèmes à Djamena, parce que le président Déby avait été menacé et attaqué d'être traduit à la CPI pour ce que je peux appeler ces éléments incontrôlés de l'armée tchadienne. on va retrouver certains de ces éléments-là dans la colonne qui allait en Guinée équatoriale. L'armée du Tchad est suffisamment solide. Troisièmement, le Soudan est un problème. Dans sa configuration actuelle, alors, parce qu'il serait peut-être en état. Et je me demande même s'il ne faut pas encourager le président Touadéra. Je vais dire quelque chose de gravissime. À faire comme fait le président rwandais. C'est-à-dire. Que moi, je peux. À développer une rébellion parallèle. Non, pas à développer une réunion parallèle. À développer une zone d'influence au-delà de ses frontières qui permet de le sécuriser. Parce que c'est pas possible de le faire déjà en ayant une armée. Non, laissez-moi donner des idées. Moi, je me préfère d'abord. Moi, je préfère voir un pays de la CEMAC d'abord sécurisé. Pourquoi la RCA ne peut pas développer de l'influence au-delà de ses frontières pour se sécuriser? Vous avez un pays où il n'y a pas de pouvoir. Mais vous ne pouvez pas vous contenter à dire que moi je vais rester dans mes frontières. Je rappelle que le Cameroun et le Tchad ont pu réussir à obtenir du Nigeria, même par la force, le droit de poursuite. Parce que comment vous auriez pu faire pour mettre Boko Haram à genoux sans ce droit de poursuite? Le Nigeria n'a pas voulu le donner au Cameroun. Le Nigeria l'a donné au Tchad. Mais aujourd'hui, je ne trahis aucun secret de dire que les troupes spéciales camerounaises ont accompagné les troupes tchadiennes en territoire nigérien. Mais est-ce qu'il ne faille pas réfléchir comme ça aujourd'hui pour la RCA? Parce que c'est un pays pacifique. C'est un pays dont tout le monde, uniquement sur la base de ses richesses. Mais il faut faire comme le président Kagame. Kagame explique à M. Tshisekedi. Je ne défends pas Kagame. Je ne sais pas si c'est fondé ou quoi. Tu as mes ex-génocidaires chez toi. Et moi, Kagame, pour ma sécurité, eh ben, j'essaye de développer, en quelque sorte, une zone d'influence au-delà de mes frontières. Je rappelle que c'est plus ou moins aussi, c'est un peu le raisonnement de Poutine en Ukraine. De dire, hors de question, l'OTAN en Ukraine. Parce que si l'OTAN se retrouve en Ukraine, moi, Poutine, je ne suis pas assez. Hors de question. Et vous, l'OTAN, vous ne voulez pas le comprendre? Vous allez le comprendre quand je vous annonce une guerre. Mais pourquoi ça ne peut pas être? Pourquoi ça ne peut pas être applicable pour président Touadéra? Pour président Touadéra, pourquoi? Voilà les questionnements que il faut éviter. Il faut poser ces questionnements. Si certains se sentent visés par ce questionnement, sont vexés, mais il faut qu'on comprenne. Il faut se construire une CEMAC forte. D'accord. Il faut se construire une CEMAC qui puisse respecter ses plans de paix. Il faut se construire une CEMAC qui a une véritable politique sécuritaire. Moi, M. Tatina, je ne sais pas quelle est la politique sécuritaire de la CEMAC. Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle un accord de défense entre les pays de la CEMAC. Mm-hmm. Moi, j'ai lu l'accord de défense ici. L'accord de défense, vous savez ce qu'il dit? Simple bout de papier. C'est-à-dire, le président Touadéra dit au président Patriarche Biya, je sollicite de l'aide militaire. Et le Cameroun est pratiquement dans l'obligation de voler au secours de la CEMAC. Mais pourquoi il n'y a jamais ces mécanismes d'entraide militaire? Pourquoi quand la RCA est attaquée, on ne voit pas tous les pays de la CEMAC comme un seul homme se mobiliser sur le plan militaire? Je ne parle pas de la MINUSCA. Je parle d'abord des pays de la CEMAC qui volent au secours d'un allié de la communauté qui est attaqué. D'accord. Donc, ce trop de politique dans la CEMAC, ce trop d'organisation, ces réflexions et réflexions à n'en plus finir, qui ne finissent pas, ces rebelles de certains pays et ces mercenaires de certains pays que personne ne domestique, alors qu'on détient une armée relativement solide, on ne se met pas. Ça rend la situation compliquée. Afrique Média, le monde, c'est nous.